Demain, je pars à la campagne pour une réunion d'anciens élèves. On se réunit dans un château en Bourgogne. C'est la première fois qu'on organise une grande fête avec tout le monde. Tu es toujours en contact avec tes vieux copains ? Oui, on se voit de temps en temps, on se téléphone, on s'envoie des mails. On se retrouve pour se faire un petit resto. On s'aime bien, quoi. Tu te souviens de Robert ? Bien sûr, il va venir. Excuse-moi, je me dépêche, j'ai 1000 choses à finir avant de partir. On se voit lundi, à midi ? D'accord, à lundi !